Chapitre 50e. Le marquis resta longtemps la tête entre ses mains. L'abattement avait succédé à la colère. Monsieur de Carquebus était loin de son esprit. C'était à Denise, c'était à Emma qu'il pensait. Était-il possible que celle-ci l'eût trompé d'une façon si infâme? Était-il possible que ses serments à son lit de mort fussent faux? Et il retomba dans les angoisses qu'il avait si cruellement tourmentées au moment où Emma l'avait appelé près d'elle pour lui confier Denise. Mais combien plus douloureuse maintenant qu'à cette époque? Car ce qu'on lui demandait alors, c'était de se charger d'une enfant qu'il ne connaissait pas et envers laquelle il ne se trouvait engagé que par un lien bien faible. Tandis que maintenant, il fallait qu'il repoussât loin de lui une enfant qu'il aimait. Il fallait qu'il arrachât violemment de son cœur des sentiments qui peu à peu l'avaient si bien envahi que dans tout son être, il sentait leurs racines profondes et solides. Elle ne serait plus sa fille, cette chère petite Denise, dont les yeux doux et tendres avaient sur lui tant de puissance. Ce charme, cette puissance, serait illusion et mensonge. Il se serait laissé tromper, il se serait trompé lui-même. Une étrangère pour lui désormais, pire que cela, la fille d'un rival. Il relut la lettre de Balbine qui était restée étalée devant lui. Cornaton, Chevin, c'était à ces deux hommes que Emma avait écrit en même temps qu'elle lui écrivait à lui-même. Il se les rappelait, le capitaine Cornaton surtout, si ridicule avec ses airs de vainqueur, un bravache, un matamor, et Chevin, une espèce de mouton à toison blonde. Ils auraient pu lui prendre sa fille comme lui-même avait pris la leur, peut-être. Quel mystère insondable! Comment se reconnaître dans ces mensonges successifs, s'affirmant, se démentant, se mêlant, s'embrouillant les uns les autres? Rien pour le guider dans ce tourbillon qui l'emportait, aucune lumière pour l'éclairer. Le doute, toujours le doute, parce qu'il ne voulait pas accepter la certitude que des mains coupables lui apportaient. Ah, si ses mains avaient été honnêtes, mais un Carquebus, un Beaujonnier unis ensemble, quelle foi pouvait-il avoir en eux? Cette réunion seule n'était-elle pas un avertissement qu'ils devaient se tenir en garde contre leurs entreprises? L'intérêt de Carquebus à faire répudier Denise n'était que trop évident. Il combattait pour son héritage. Depuis que le marquis avait ramené Denise à Rudemont, il avait serré dans un tiroir les photographies d'elle et de lui qu'il avait fait faire à Paris et jamais il n'avait pensé à les regarder. À quoi bon? Jamais depuis cette époque l'inquiétude n'avait effleuré son esprit. Pourquoi aurait-il cherché entre elle et lui des points de ressemblance? Elle était sa fille. Pas une seule fois, l'idée ne lui était venue de se poser une question à ce sujet. C'était le baiser d'une fille qu'il recevait le matin lorsqu'elle venait l'embrasser souriante et affectueuse. C'était le baiser d'un père qui lui rendait. « Bonjour, cher enfant, » disaient les lèvres. Mais c'était « chère fille » que son cœur disait tout bas. Il ouvrit le tiroir, il en tira deux portraits qu'il contempla, qu'il compara longuement. Mais déjà celui de Denise n'était plus ressemblant. Combien elle avait embelli depuis cette époque. Son front s'était élargi, ses traits s'étaient affermis. Par là, peut-être, se rapprochait-elle de lui maintenant, ce que ses portraits ne pouvaient pas indiquer. Mais comme il se complaisait dans cette réflexion, le souvenir de certaines paroles de Clémence le revint à l'esprit. Et ses paroles, par malheur, étaient en opposition avec ses espérances. Clémence, qui assurément n'avait pas pu prévoir ses inquiétudes présentes, avait nié cette ressemblance. Il avait autrefois, au temps de sa jeunesse, souffert de la jalousie. Mais ses souffrances, si douloureuses qu'elles fussent, n'avaient rien des angoisses terribles que le doute en ce moment lui infligeait. Ce n'était point la fidélité d'une femme plus ou moins aimée qui était en question, c'était sa paternité, c'était l'amour qu'il ressentait pour sa fille. Peu à peu, la fièvre l'avait pris, et il marchait dans son appartement, tournant autour des murs, comme s'il eût été enfermé dans un piège. Pas d'issue, rien, toujours la même question vertigineuse. Elle ne serait pas sa fille. Ah, si cette lettre n'avait pas été de Balbine, il eût pu la regarder comme une invention malveillante. Mais Balbine était l'ami d'Emma. Était-il vraisemblable que, dans ces conditions, elle eût porté contre son ancien ami une accusation de cette nature? Si elle avait raconté cette histoire des trois lettres, c'est que cette histoire était vraie. Cependant, si plausible que lui parut ce raisonnement, il ne voulut pas s'en tenir à des inductions, et en une circonstance capitale comme celle-là, il pensa qu'il devait interroger Balbine elle-même. Il irait donc à Paris. Cette résolution prise, il fit appeler Clémence pour la lui communiquer. Celle-ci, qui attendait avec impatience le résultat des confidences de M. de Carquebus, se hâta d'accourir. Mais sa curiosité fut déçue. le marquis lui annonça qu'il partait pour Paris, sans lui donner d'autre raison que le prétexte d'une affaire importante. « Et quand partez-vous » dit-elle. « Tout de suite. » Elle s'approcha de lui, le regardant avec des yeux attendris. « Il serait trop tard demain matin, » dit-elle. « L'affaire est urgente. » Malgré son dépit, elle se mit à sourire. « Alors bon voyage, monsieur le marquis. Je reviendrai demain, ou après-demain, ou plus tard. Ne direz-vous pas adieu à Denise avant votre départ ?» demanda-t-elle en examinant anxieusement l'effet de cette question. Il hésita un moment et se montra troublé. Elle ne voulut pas insister, de peur d'éveiller les soupçons du marquis. Mais aussitôt qu'elle eut vu sa voiture disparaître, elle courut chez M. de Carquebus. « Eh bien, dit-elle, que s'est-il passé ? Voilà le marquis qui part pour Paris. »« Ah, il part !» s'écria M. de Carquebus. « Il part !» Et se campant le poing sur la hanche, il se mit à se promener, la tête haute. « Savez-vous pourquoi il part ? C'est ce que je viens vous demander. »« Eh bien, il part tout simplement pour ne pas se rencontrer avec moi au dîner. » Nous nous sommes empoignés, ce qui s'appelle roide, et il ne saurait quelle contenance prendre devant moi. Voilà, c'est un capon, votre marquis. Cela ne m'apprend pas pourquoi vous vous êtes empoignés, comme vous dites. Mais pour cette lettre, pardieu! Monsieur n'a-t-il pas voulu le prendre de vous, avec moi? Il m'a dit que plutôt que de voir son héritage passer entre mes mains, il aimerait mieux brûler lui-même cette forêt. Ah, il a dit cela, interrompit Clémence, sans prendre la peine de cacher un mouvement de satisfaction. C'est un propos bien grave, n'est-ce pas? Continua M. de Carquebus, car on n'a pas le droit de brûler sa maison, et ceux qui le font passent aux assises comme incendiaires. Mais ces gens de l'ancien régime se croient tout permis. Enfin, pour Denise, qu'a-t-il dit? Rien, des propos en l'air, il a fait le fanfaron, mais il est touché, vous pouvez m'en croire. Peut-être même va-t-il profiter de son voyage à Paris pour chercher la confirmation de cette lettre. C'est probable. Au reste, nous serons bientôt fixés. Le marquis doit revenir demain ou après-demain. J'aime autant cela. D'ici là, nous aurons le temps de nous calmer, et puisque nous devons vivre ensemble, il vaut mieux que nous ne soyons pas trop montés l'un contre l'autre. Ça trouble les repas, j'ai horreur des querelles à table. C'est égal, il était dans une belle fureur. Cela vous fait rire. D'un côté, oui, mais d'un autre, je ne suis pas sans inquiétude. Peut-être aurais-je bien fait de ne pas lui remettre cette lettre moi-même. Et qui s'en serait chargé? La poste, donc. C'est un service qu'elle rend à tout le monde. Moyennant 4 sous, on peut tranquillement, sans sortir de chez soi, donner une bonne attaque d'apoplexie à son ennemi qui reçoit le coup à domicile sans se douter de rien. Une lettre anonyme, vous? Oh, moi, je n'ai pas de préjugés. Vous êtes très fort. Mais il n'en est pas moins vrai que dans l'espèce. Il n'eût pas été difficile de découvrir que vous teniez cette lettre de mon mari. Et alors, vous auriez eu le vilain de votre lettre anonyme. Tandis qu'en procédant comme vous l'avez fait, on est obligé de reconnaître la crânerie de votre démarche. « Le fait est qu'elle était crâne, c'est le mot juste, » dit M. de Carquebus en se redressant. Pendant ce temps, le marquis courait vers Paris. Lorsqu'il se présenta à Balbine, la lettre que celle-ci avait écrite au capitaine, la comédienne montra un véritable désespoir. « Et quoi ? » s'écria-t-elle. « Cette lettre entre vos mains, monsieur le marquis !» Alors elle raconta comment elle avait été amenée à l'écrire, c'est-à-dire l'histoire même inventée par Clémence. « Ce n'est pas que vous ayez écrit cette lettre qui me tourmente, » dit-il. « Bien qu'ayant été l'ami d'Emma, vous auriez dû, plus que tout autre, tenir à la discrétion. Si vous saviez comment les choses se sont passées, vous m'accuseriez moins durement. Dans un souper chez Emma, le soir même de votre arrivée, il était question des 3 lettres écrites par Emma. Ce propos était répété. Il est, je ne sais comment, parvenu à la connaissance du capitaine Beaujonnier. Celui-ci m'a demandé l'histoire tout au long, et les choses se sont passées comme je viens de vous le dire. Ainsi, il est vrai que ces 3 lettres ont été écrites par Emma. Cela est vrai. Mais n'allez pas croire que cela porte une accusation contre la naissance de Denise. Jamais Emma n'a hésité. À moi, comme à toutes ses amies que vous pouvez interroger, elle a toujours dit que vous en étiez le père. Et elle écrivait à 2 autres en même temps pour leur confier sa fille. Qui dites-vous est ma fille ? Mais quelle idée vous faites-vous donc de la vie, vous autres femmes, pour jouer avec des sentiments aussi sacrés? Il faut un père à votre enfant, et vous prenez celui-ci ou celui-là, sans vous inquiéter de savoir par quelle torture atroce passera l'honnête homme qui vous aura plus de choisir. Un jour, le doute étreindra dans ses griffes le cœur de ce malheureux, et alors, il n'osera plus serrer dans ses bras l'enfant qu'il aime, qui n'est pas le sien, peut-être, et il n'osera pas davantage le repousser. « Je vous jure que Denise est votre fille, » s'écria-t-elle. « Vous le jurez, je crois, votre sincérité, mais Emma, si elle était là, oserait-elle faire le même serment ? Les trois hommes qu'elle appelait à son lit de mort pour recueillir sa fille savaient-elles d'ailleurs lequel était le père de son enfant? Qui nous dit qu'elle n'était pas de bonne foi en écrivant ces trois lettres et qui pourrait jamais éclaircir ce mystère, pour moi, horrible ?